Sais-je où? De poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par John Peterson. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sais-je où? C'est quelque part en des pays du Nord. Le sais-je? C'est quelque part sous des pôles acéreux, où les blancs ongles de la neige griffent des pans de roc nitreux. Et ces grands gels, reflétés brusquement en des marées d'argent dormant. Et ces givres qui grincent et pincent les lancettes d'un taillis mince. Et c'est minuit ainsi qu'un grand bloc blanc sur les marais d'argent dormant. Et c'est minuit qui pince et grince et comme une grande main rince les cristaux froids du firmament. Et c'est en ce lointain nocturne, comme une cloche taciturne qui tait son glas mortellement. Et c'est encore grand messe de foi, et de drève comme en cortège. C'est quelque part en un très vieux pays du Nord, le sais-je? Mais c'est vraiment dans un vieux cœur du Nord, en moi. Fin de « Sais-je où ?»